On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! J'ai une pêche, les gars. Youhou. Ah, oui, enfin, j'ai un peu mangé trop d'œufs en chocolat, comme tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque. Mais le lundi Pâques, ça fonctionne. 19h, 20h30, c'est l'émission. Après une spéciale quiz la semaine dernière qui vous a, je pense, réjoui et réjouite, ça ne se dit pas, eh bien on revient à une version plus classique d'On the Rocks avec une émission quasiment 100% nouveauté. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de morceaux qui datent de plus d'un mois et ça, ça fait du bien. La prochaine émission Quiz aura lieu au mois de mai. Le principe en est simple, trois personnalités de la musique décortiquent des albums que je leur propose. Il y a déjà deux participants qui sont calés pour le mois de mai et tous les autres qui devaient venir ont des empêchements, c'est un peu compliqué. Donc, si vous êtes un spécialiste de la musique, si vous avez une fonction musicale assez importante dans le coin et que vous aimeriez faire partie de ce casting, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message via les réseaux sociaux ou sur Instagram, vous trouverez On the Rocks, ça se trouve très très bien. On va commencer ce soir l'émission avec un coup de cœur. Et quel coup de cœur! Je pense que c'est une des artistes les plus intéressantes de ces dernières années, en solo ou avec son groupe, qui, elle n'a pas sorti de mauvais album. Elle est staccanoviste puisqu'elle sort un album tous les 6 mois à peu près, soit avec son groupe, soit en solo. Son groupe, c'est Big Sif. On s'est déjà beaucoup passé dans On the Rocks. Et puis, en solo, c'est sous son nom, Adrienne Lenker, avec une voix reconnaissable entre mille et une sensibilité à fleur de peau. C'est de l'americana certes, c'est de la folk certes, mais pas que. C'est bien au-delà, un peu comme Aldo Sarding. Ça nous emmène vers des sommets un peu plus lointains. C'est pas Mathieu Malon qui va sortir un très bon album, on en reparlera. C'est pas Mathieu Malon qui va me contredire puisque il était d'accord avec ça la semaine dernière. Adrienne Lenker est vraiment une artiste incroyable. Elle vient de sortir son album qui s'appelle Bright Future, c'est le nom de l'album, et il s'ouvre sur cet album. Alors il y a un morceau qui avait déjà été chanté par Big Sif et qu'elle reprend de façon un peu plus artisanale et un peu plus à l'os. Et puis elle ouvre cet album. Alors le morceau qui clôt l'album, on se l'est déjà diffusé dans The Rocks, qui est une merveille, mais elle ouvre l'album avec un morceau qui s'appelle Real House, et c'est assez audacieux. C'est un morceau vraiment très intime, un peu déglingué, qui est sur le fil, ce morceau, avec à la fois très mélodique et à la fois pas vraiment de structure de morceau, et où elle se met à nu de façon assez incroyable sur ce morceau. On va se le passer maintenant en ouverture. Alors c'est pas très rock'n'roll pour le début, mais ça va s'arranger, je vous assure. Adrienne Lenker, c'est le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Le morceau et l'album, il y a des choses un peu plus enlevées que ce morceau, mais ce morceau, moi, m'a donné la chair de poule. Ça s'appelle Real House. Bienvenue dans The Rocks. Ça va durer 1h30. Do you remember running branches into a crown. That love is all I want. I'm a child humming into the clarity of black space, where stars shine like tears on the night space, where the cool wind Mama, what happened? Never thought we'd go this long. Now 31 and I don't feel strong. And your love is all I want. When I was 7, I saw the first film that made me scared, and I thought of this whole world ending. I thought of dying unprepared. We moved into a wild field behind it. I wanted to be an inventor, collected scraps to make a portal. I wanted so much for magic to be real. So many dreams of flying, rising high over the crowd. And they'd go, oh man, look at her go. And I'd go, hospital when I was 14. My friends all left me there spinning. Dad was angry, but you saw everything. And you made me laugh as the nurses undressed me. You held my hand as they put the needle in me. I never saw you cry, not until our dog died. And the whole family came back together. We held her body as they put the needle in her. And then I saw you cry. And then I saw you cry. The once in charge, keep telling lies. Dans la douceur et dans l'introspection avec cette déclaration d'Adrian Lenker à sa mère, ça s'appelait Real House, tiré de son magnifique dernier album en date. C'était le coup de cœur ce soir. Et puis à l'instant, un autre coup de cœur, Pina Paloh, suissesse, chanteuse que je découvre ici et que j'ai envie de découvrir plus avant parce que ce morceau est assez formidable. C'est We've Got No Time At All, c'était le nom du morceau, vraiment magnifique pour cette artiste que je ne connaissais pas. Et donc je vais aller creuser ça avec ce crescendo et cette explosion de guitare à la fin, puisqu'on parle de guitare. Et ben on va continuer la première partie de l'émission, malgré le morceau d'ouverture sera assez enlevé, mes amis. On va commencer cette explosion de guitare avec Lost Sense. Le morceau s'appelle Faded, ils nous viennent de San Diego. Le morceau est assez court mais très bon. Faut aimer la basse. Non, faut aimer la basse, Fafa, quand même. We'll be right back. Dans The Rocks pour tout le monde et pour Mathieu Malon en priorité. Mathieu Malon est un grand fan de Jesus and Mary Chain. Il nous l'a dit la semaine dernière dans la première session de Quij dans The Rocks. Il nous a diffusé un morceau la semaine dernière. Vous pouvez réécouter ça sur ontherocks.net en disant qu'il n'était pas totalement satisfait. C'est un euphémisme de ce morceau et des choix de production. J'étais d'accord avec lui. Le morceau de la semaine dernière m'a très peu emballé aussi. Par contre, il y a ce morceau qui est le single sur l'album de Jesus and Mary Chain que moi j'aime bien, qui s'appelle Girl 71. Et puis juste avant, c'était Lost Sense avec Faded. Allez, on retourne du côté de l'Angleterre avec Liam Gallagher, ce si charmant et sympathique Liam Gallagher, qui revient avec un album en collaboration avec John Squire des Stone Roses. Et ben, c'est une excellente surprise, je le disais la semaine dernière. Les morceaux fonctionnent pour la plupart très bien. Vraiment, c'était une bonne idée de s'acoquiner tous les deux. Les riffs de guitare assez simples et un peu moins prétentieux, je trouve, que ceux de Noel Gallagher sur ses albums solo. Et bien, ça donne des choses comme ce Raise Your Hands qu'on va se passer maintenant. C'est dans The Rock, c'est une nouveauté et c'est vraiment pas mal. The pieces don't seem to

À l'instant, dans The Rock, c'était une nouveauté encore avec un groupe qui s'appelle Goodnight Texas. C'est très simple le concept de ce groupe avec ce morceau qui était Dry Heat. Goodnight Texas, c'est une ville qui se trouve au Texas, qui s'appelle Goodnight. Joli nom pour une ville. Et cette ville se trouve pile poil entre les endroits, entre San Francisco et Caroline du Nord. Si vous prenez l'endroit exact au milieu de ce trajet, eh bien, c'est Goodnight Texas. Et San Francisco et Caroline du Nord, c'est l'endroit d'où viennent les musiciens divers et variés qui composent ce groupe. On continue avec une nouveauté avec San Cisco qu'on s'est déjà diffusé dans The Rocks il y a quelques lunes de cela. Ils sont australiens. Under the Light, c'est le nom de leur dernier album. Et le morceau, c'est Find Yourself Here Again. C'est dans The Rocks, c'est une nouveauté. Mais je vous l'ai dit, ce soir, c'est quasiment que des nouveautés. Et donc, ce n'est pas très original. Just a distant memory. In the forefront of your mind, the mission you were on tonight, it wasn't what you had planned for. But sometimes it goes that way. I know it's easier to leave than stay. Oh, did you miss the silence? Shouldn't really have to pretend. I know it's never your fault, but you keep finding yourself here again. des frangins encore. Les frères Gallagher se sont séparés, mais eux sont bien ensemble. Et c'est une bonne nouvelle, The Lemon Twigs, à nouveau dans The Rocks avec Dream Is All I Know. Ça ressemble de plus en plus à Wings, je trouve, ce qu'ils font. C'est tiré de leur dernier EP. Juste avant, c'était San Cisco dans The Rocks avec Find Yourself Here Again. Pour ces Australiens, on va continuer dans The Rocks avec un groupe qui nous vient de Derry maintenant. Il s'appelle Sherim. Et bah voilà, c'est encore une nouveauté. À noter qu'il y aura un concert Mathieu Malon, Laetitia Sheriff à l'Astrolabe. Ce sera, je vous en reparlerai, hein, ce sera bientôt le 17 mai, le jour de la sortie de l'album de Mathieu Malon qui s'appelle Bancal. Et il y aura peut-être une petite interview croisée de ces deux-là. Mathieu est partant, on attend la réponse de la Sheriff. Ça n'a rien à voir avec Sherim, mais c'était pour dire. Yeah. Il y a de tout sur l'album de Green Day qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a surtout des très bons morceaux. C'est un album quasiment parfait, je trouve. Alors, ça s'auto-parodie un petit peu de temps en temps. Et puis, il y a des fois, ça sonne comme du Nirvana. Et puis là, ça sonne comme du Foo Fighters à l'instant. C'était 1981, mais il y a toujours des très, très bons morceaux. C'est tiré de l'album Saviors, qui pour moi est le meilleur album de Green Day depuis la sortie de l'album American Idiot. Et juste avant, c'était Cherim avec If I Was a Man. Tiens, Duduche et les autres, voilà une petite nouveauté qui va vous faire plaisir si vous écoutiez On The Rocks il y a 25, 30 ans. L'émission est sur sa 31e année, hein, je vous signale. Oui, messieurs, dames, j'avais 20 ans et j'en ai un peu plus aujourd'hui. Eh bien, voilà un groupe qui revient avec un single. Je les avais un petit peu oubliés, mais ils reviennent. Alors, ils ont pris un petit coup de pelle, hein, forcément, en 20 ans. Mais ils le font toujours plutôt pas mal. Le morceau s'appelle Sing Away et le nom du groupe, c'est Everclear. In your room when I'm alone at night, it reminds me of your life, it reminds me of your laughter, it reminds me of a better time before, back before you decided that you did not want to be here anymore. Children, Ah ben oui, c'est un petit peu laissé surprendre par la fin du morceau. Everclear d'abord avec Sing Away, et à l'instant c'était Parsip, encore une nouveauté bien sympathique avec The Light. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de Parsip ? Eh bien ce sont quatre filles qui vraiment ont cette fraîcheur qui moi me plaît bien. Elles ont commencé en 2019, elles viennent d'Australie. Et là c'est un single, hein. On en attend un petit peu plus pour la suite, mais on n'a que ça à nous mettre sous la dent. En tout cas, entre les deux oreilles, on va continuer avec Meat Bodies. Et le morceau Below, c'est encore une nouveauté incroyable. Eux nous viennent de Los Angeles et l'album s'appelle Flora Ocean Tiger Bloom. Et le morceau, donc, c'est Below. C'est dans The Rocks, c'est maintenant, c'est tout de suite. le dernier album de Colette Shaker, Natural Magic, s'est fait rhabiller pour l'hiver lors de la première session de Quige la semaine dernière, que vous pouvez réécouter sur ontherocks.net. Le principe est simple, trois personnalités de la musique, alias David Bost, Mathieu Malon et Sylvain Trémaud des Sequoia Fever, étaient là la semaine dernière et ont chroniqué quatre albums, dont celui de Colette Shaker. Alors moi, vous savez, je suis un grand fan de Colette Shaker. C'est vrai que cet album-là, il y a la moitié de l'album fantastique et l'autre moitié un peu plus dispensable. Eux ont trouvé tout l'album était dispensable. C'était le morceau Happy Birthday tiré de cet album, et puis juste avant, c'était Meat Bodies avec Below. On continue avec des Australiens qui nous viennent de Perth dans The Rocks. L'album s'appelle, je ne sais pas, en tout cas le groupe s'appelle Mars on Holiday, et We're Gonna Change, c'est le nom du morceau, c'est dans The Rocks, c'est une nouveauté, et ça c'est pas mal non plus. En tout cas, je suis tout seul ce soir, donc je peux dire ce que j'aime pas, ça j'aime. Impossible. l'instant, nous étions revenus en France dans The Rocks avec un morceau qui s'appelle Cold Turkey, que vous connaissez certainement, un morceau de John Lennon, peut-être pas son plus connu, mais un morceau dans lequel il racontait sa dépendance à l'héroïne et l'impression que lui donnait la sensation de manque lorsqu'il est en manque d'héroïne. C'était une reprise par Phil Pace, français, donc, qui reprend ce Cold Turkey version un petit peu, percussion et lancinante. Vraiment belle version de ce morceau de John Lennon. Si vous aimez John Lennon, allez, petite auto-promo, je serai au Salon du Livre de Fayolloge dimanche 7 avec mon roman John, qui parle de l'enfance rêvée, autobiographie rêvée de John Lennon à 11 ans, sortie chez Flammarion, et donc j'en ferai une petite lecture musicale, c'est gratuit, et je serai accompagné de Laurent à la guitare pour 3 chapitres, donc ce sera à 11h15 à Fayolloge, à la salle des fêtes, et ensuite je pourrai dédicacer mes petits bouquins, fin de l'auto-promo. Nous revenons à nos moutons avec une chanteuse américaine qui nous vient du Bronx et qui me plaît vraiment beaucoup. Elle est écorchée, elle n'est pas là pour rigoler. Pourtant, l'album est relativement produit softement, mais en tout cas, cet album qui s'appelle The Past Is Still Alive est un peu plus produit, certes un peu plus lisse que les albums qu'elle avait livrés auparavant, mais ça reste toujours formidable avec toujours cette super voix. Hooray for the Riff Raff, c'est le nom de cet artiste, et le morceau c'est Vetiver. C'est vraiment un album que j'écoute beaucoup en ce moment, je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Vous voulez avoir un petit aperçu, avoir une petite idée, c'est par ici. Lately, I've been waiting for the day you're the man.

personnalités que j'ai déjà interviewées deux fois chacune. Et elles m'ont également chacune fait l'offrande d'un morceau pour les 30 ans de l'émission l'année dernière. C'est Alma Forer qui prête sa voix à cette chanson en duo avec Tom McRae. Donc Tom McRae, Alma Forer, voilà, Forer, je m'attendais pas à les voir réunis ces deux-là qui font partie de l'ADN de l'émission On The Rock. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir avec cet album de Tom McRae qui est un peu francophile puisqu'il est entièrement composé de duos et de participations avec des artistes français. Half On My Mind, c'est tiré donc du dernier album de Tom McRae. Vous l'avez compris, nous sommes rentrés dans la partie plus tranquille de l'émission. You remember the photograph, the stranger recognized you and us. You just smiled and I tried not to laugh. Do you remember tripping on HG, me in my new boots, still unsteady on my feet, swaying to ambition's peak. Feel like falling again, like oh my God, I wanna dance right up to the edge and fall right off. I want something I never knew I wanted to bring me down to my knees. I want a stuck in my head kind of melody on repeat. I want a love like that, the kind that makes your heart rain. The one you wanna get back, only when it's too late. I want an end of the world kind of feeling. I wanna die and surrender again. I wanna love like that. I wanna love like that again. À l'instant, c'était Benjamin Francis Levitch avec A Love Like That, et puis Tom McRae, Alma Forer pour un des sommets de son dernier album Half On My Mind. On va terminer l'émission avec trois morceaux enchaînés et je vous dirai à la semaine prochaine. Charles Leclerc et Sofiane Pamart pour un petit duo de piano, avec Heartbeat. Ensuite Cabane son magnifique album, là tout le monde était d'accord dans Quiz la semaine dernière, de l'album de Tom Van Cottom qui m'a envoyé des petits messages pour me dire à quel point il était heureux de ce qu'on avait dit. Avec là c'est Sam Genders qui va chanter sur ce morceau Amour, et puis juste après ça sera Tiny Habits avec Mud Room. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine dans The Rocks, et je vous laisse avec ces trois morceaux atmosphériques que je dédie à mon abeille préférée qui bouge très bien, la danse de l'abeille. Elle fait très bien la danse de l'abeille. C'est parti, voici donc Charles Leclerc et Sofiane Pamart pour démarrer. Ciao, bye bye, et vous retrouverez sûrement l'arrêt d'arc du sport avec Rémi juste derrière. Shipwreck when you drown.